Se sont-elles bien amusées? Dit le père Goriot, qui reconnut Eugène. Oh, il ne pense qu'à ses filles, dit Bianchon. Il m'a dit plus de 100 fois cette nuit. Elle danse. Elle a sa robe. Il les appelait par leur nom. Il me faisait pleurer. Le diable m'emporte, avec ses intonations. Delphine, ma petite Delphine, Nasie. Ma parole d'honneur, dit l'élève en médecine, c'était à fondre en larmes. Delphine, dit le vieillard, elle est là, n'est-ce pas? Je le savais bien. Et ses yeux recouvrèrent une activité folle pour regarder les murs et la porte. Je descends, dira Sylvie, de préparer les sinapismes, cria Bianchon. Le moment est favorable. Rastignac resta seul près du vieillard, assis au pied du lit, les yeux fixés sur cette tête effrayante et douloureuse à voir. Madame de Beauséant s'enfuit. Celui-ci se meurt, dit-il. Les belles âmes ne peuvent pas rester longtemps en ce monde. Comment les grands sentiments s'allieraient-ils, en effet, à une société mesquine, petite, superficielle?